d'Ouimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 18 janvier 2022. Voici les grands titres de cette grande édition. Les députés burundais veulent en savoir plus sur les informations faisant état de la mort de cette militaire à la suite des coups et blessures reçus pendant leur formation au commando. Et Léonard Nyangoma vient d'être suspendu comme président du parti CNDD pour incapacité de gestion des affaires du parti depuis l'extérieur. Il y réagit en disant que les militants initiateurs de ce coup de force veulent former une aile de cette formation politique. Et dans la chronique santé, l'on parle de la dépression. Bonjour, certains députés demandent de statuer sur la situation sécuritaire qui prévaut au centre commando de Gitega. Lors de l'analyse des amendements du Sénat sur le projet de loi portant statut des agents de la police nationale ce lundi, les députés regroupés au sein de la commission permanente de la défense et de la sécurité ont manifesté l'envie d'y effectuer une descente pour se rendre compte des informations rapportées. Le président de l'Assemblée nationale leur demande de confectionner d'abord une note sur la dite situation. Jean Dodieu et la Côte. Certains députés demandent à l'Assemblée nationale de soumettre à l'analyse les informations rapportées au centre d'instruction commando, un centre de passation d'exercice et entraînement pour des militaires de la catégorie des commandos. Ce député qui ne clarifie pas ce qui s'y passe réellement est vice-président de la commission permanente chargée des questions de la défense et de la sécurité. Il trouve qu'il serait déplorable si le législatif n'y fait rien et demande que la dite commission soit autorisée à s'y rendre. Gaston Sindimo. Je saisis cette occasion pour transmettre le message émanant de la commission de la défense et de la sécurité. Compte tenu des informations rapportées au centre d'instruction des commandos, nous voudrions, avec votre accord, y effectuer une descente pour voir ce qui s'y passe, car il serait déplorable au cas où l'Assemblée nationale ne ferait rien à propos. Sur cette question, le président de l'Assemblée nationale, Daniel Djelaz Ndabirabe, demande d'abord la confection d'une note irrelative, répond-il. Honorable Gaston, veuillez confectionner une note irrelative pour que nous puissions analyser par après cette situation. Ces préoccupations ont été soulevées au moment de l'analyse des amendements du Sénat burundais sur le projet de loi portant statut des agents de la police nationale du Burundi par l'Assemblée nationale ce lundi. Jean de Dieu, Irakoze, nous n'en avons pas encore pu joindre au téléphone le porte-parole de la Force de défense nationale pour plus de lumière sur la récente mort inopinée de 7 militaires en cours de formation au centre commando de Gitega suite aux coups et blessures, selon des informations non encore confirmées. La qualité de l'enseignement est en régression depuis l'instauration du nouveau système éducatif, conste du président du parti UPRONA. Selon Olivier Nkurunziza, cette situation est consécutive à plusieurs facteurs, dont les effectifs élevés des apprenants dans les classes. Il appelle le gouvernement à se pencher sur la question de l'éducation pour redorer son image. On écoute. Nous apprécions d'abord la matière que le gouvernement a pu penser à donner à nos enfants. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les mesures d'accompagnement pour aboutir à cette formation voulue. Aller enseigner dans les différentes écoles qui se trouvent dans les différentes communes, exemple les écoles de métier, les écoles qui ont un système informatique qui évolue vers le TIC, et que vous trouvez qu'effectivement, on ne peut pas, vous voulez enseigner ce genre de chose, alors qu'une école n'a pas d'équipement, n'a pas de matériel didactique suffisant. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de laboratoire. Vous enseignez toutes ces choses à la volée. L'objectif que le gouvernement a voulu sera un jour raté. Si vous essayez d'analyser, vous trouvez qu'il y a encore à améliorer. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement du Burundi de tout faire pour d'abord renforcer et recycler bien sûr les enseignants qui étaient dans l'ancien système éducatif, qui devraient bien être formés et préparés pour bien sûr bien dispenser tous ces cours qui ont été mis en place, le programme qui a été élaboré par le gouvernement. Il y a des enfants qui apprennent en même temps le kirundi et le français. Cette capacité de retenir toutes ces langues en même temps, c'est difficile pour les enfants. Aujourd'hui, comme parti UPRONA qui observe de près et qui fait le suivi de près, nous trouvons qu'il y a un problème très sérieux. Ce n'est pas même les équipements. Il y a des classes qui ont un nombre pléthorique des enfants. Nous pensons que le gouvernement, avec la mesure qui est là, il doit s'asseoir et faire des états généraux pour analyser, pour voir des défis et des défauts et les problèmes à relever pour trouver des solutions conséquentes qui va aider l'éducation des Burundais. Parce que nos enfants, c'est le Burundi de demain. Le pays sans une population bien instruite, ça tend vers la catastrophe. Et concernant le test de niveau destiné aux enseignants en fonction, Olivier Nkurunziza a appelé les parties concernées au dialogue pour trouver une issue favorable. Suivez encore une fois Olivier Nkurunziza. D'un côté, le ministère de l'Éducation, par le biais du porte-parole du ministère, il a évoqué que le gouvernement veut donner des tests aux enseignants pour savoir à quelle matière ils vont renforcer ou donner le recyclage. Pour moi, là, il n'y a pas de problème. Mais les enseignants ont des doutes. Ils ont encore peur d'être humiliés, d'être considérés comme des enseignants qui n'ont pas eu de diplôme, alors que le diplôme a été attribué par le même gouvernement. Et cela, ça donne qu'il y a encore un malentendu. On ne peut pas former des gens par force, mais aussi on ne peut pas dire que tu ne veux pas étudier sans toutefois donner des arguments nécessaires. C'est la raison pour laquelle je demande aux syndicats, mais aussi au gouvernement, de s'asseoir ensemble, bien sûr, pour trouver une solution qui va aider, surtout pour nous, les parents, les différents acteurs, de pouvoir avoir un jour que nos enfants sont bien enseignés par des enseignants de qualité. Seulement ce que le parti IPRONA est contre, c'est d'aller faire un test qui va chasser les enseignants à leur disant qu'ils ont un niveau très bas alors qu'ils ont des diplômes. Cela, ça sera vraiment une injustice, mais si c'est la façon d'évaluer pour mieux former et mettre à niveau les enseignants, il n'y a pas de problème. Olivier Nkurunziza, c'est le président du parti IPRONA. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans ce journal, nous parlons éducation à l'enseignement supérieur maintenant. Le recteur de l'Université du Burundi rassure les lauréats ayant terminé leurs études universitaires dans le système BMD et qui n'ont pas encore retiré leur diplôme qu'ils en auront à partir de mi-février prochain. Professeur Sanctus Niragira se réfère à la rencontre que l'université a récemment tenue avec le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique et concernant les étudiants qui font plus d'années d'études mais qui obtiennent le même diplôme. Ce recteur de l'université dit que cette question sera traitée progressivement au ministère en charge de l'Éducation. Suivez-le dans cette traduction de l'Unibel Nibigira. Twaratoye turiyumvira turahanahana ibyiyumviro uko twokora kugira ngo hakogwe impapuro z'umutsindo nyinshi zishoboka. Nous avons pris le temps de réfléchir et d'échanger comment nous pouvons travailler afin de confectionner et signer le plus de diplômes possible. Nous avons mis en place des groupes de facultés combinées ici à Mutanga, Rohiro, Kamenge, Kiriri. Les documents sont en train d'être remplis, c'est-à-dire que les diplômes déjà confectionnés, mais qui n'étaient pas entérinés par la commission d'enternement, auront été entérinés d'ici le 15 février. Les diplômes auront été confectionnés, signés puis distribués aux concernés pour qu'ils tentent leur chance. Kugira ngo bitaratarize ubu hano muri kaminuza ariho ibisata twaravye tukabona yuko imyaka 3 igice cya mbere cy'amashuri. Aujourd'hui, il y a des facultés que nous avons trouvé que les 3 ans de baccalauréat ne suffisent pas et puis nous avons prolongé à 4 ans. Ici on parlerait de la faculté des sciences de l'ingénieur. Il y a aussi la FSI. Ceux qui auront fait 3 ou 4 ans obtiendront ce même diplôme de baccalauréat. On n'a pas encore les premiers diplômés des 4 ans. C'est une question que nous allons traiter progressivement avec le ministère et les différentes universités concernées. Urupapuro bita baccalauréat ubu rero nta barasohoka bize iyo myaka 4 no kuvuga n'ikibazo tuzobandanya twiga twigira hamwe nabo ceka kizobandanya cyigwa ku rwego rw'ubushikiranganje n'amakaminuza bizoba vyeka. Le recteur de l'Université du Burundi, le professeur Sanctus Niragira. Je vous l'avais dit dans les titres, le parti CNDD, vient de suspendre Léonard Nyangoma comme président de cette formation politique pour incapacité de gérer les affaires du parti depuis l'extérieur. Dans une conférence de presse ce mardi, Le secrétaire exécutif de ce parti, Jean-Claude Vassabossé, a déclaré que les élections de nouveaux dirigeants du parti auront lieu lors d'un congrès projeté dans 3 mois, sans plus de précision. En attendant, l'intérim à la présidence du parti sera assuré par le porte-parole de ce parti, Gaspard Kovaco. On écoute le secrétaire exécutif du parti CNDD, Jean-Claude Vassabossé. Le parti CNDD vient d'opérer des changements au sein de sa gouvernance. Le parti se dote par conséquent d'un comité de sauvetage qui décide de prendre les choses en main afin d'empêcher que le parti descende dans le gouffre aux yeux de ses vaillants et infatigables militants qui ne ménagent aucun effort pour son dynamisme sur l'échiquier politique au Burundi. Ainsi, une décision d'urgence s'impose telle que libérer dans les lignes suivantes. Décision numéro 1/CS CNDD/2022 du 18 janvier 2022 portant organisation de la direction intérimaire du parti CNDD. Le comité de sauvetage vit la constitution de la République du Burundi 17 juin 2018, vit la loi régissant les partis politiques au Burundi, vit les statuts et le règlement d'ordre intérieur du parti CNDD, considéra l'affaire de non-recevoir de la lettre ouverte du 23 décembre 2021 et invoqua les articles 112 et 114 du statut du CNDD, considéra la situation qui prévaut au sein de la classe dirigeante du parti CNDD, éclairée par la conférence de presse du 18 janvier 2022, décide. Article 1er, la classe dirigeante au sommet est remplacée par le comité de sauvetage jusqu'à nouvel ordre. Article 2, camarade honorable Nyangoma, qui était jusqu'ici président du parti CNDD, devient président d'honneur du parti. Article 3, camarade Gaspard Kovaco, porte-parole, est désigné pour assurer la présidence intérimaire du parti jusqu'à l'organisation d'un congrès extraordinaire mettant en place les nouveaux organes en conformité avec la légalité. Article 4. Le bureau du comité de sauvetage est chargé de préparer un congrès extraordinaire dans un délai de 3 mois mettant en place les nouveaux organes dirigeants du parti CNDD. C'était le secrétaire exécutif du parti CNDD, Jean-Claude Vassabossé. Réaction fraîche du concerné, Léonard Nyangoma. Lui, il rejette ses accusations. Il parle plutôt de volonté de former une aile de ce parti qu'il a fondé, dit-il, en 1994. Et Mireille Kanyang vient de l'avoir tout à l'heure au téléphone. Je viens d'apprendre cette information de vous-même, mais je voudrais dire ceci, que toutes les questions de notre parti, le CNDD, le Conseil national pour la défense de la démocratie, toutes les questions des problèmes ne se traitent pas dans la rue, mais ils s'analysent, ils se discutent et tout le monde a le droit de discuter, de critiquer vraiment comme il veut, mais dans le cadre bien tracé par le parti, dans le cadre normalement des structures du parti. On a constaté que ce sont des gens qui voudraient créer une aile du parti, mais sans y parvenir. Oui, vous dirigez le parti de l'extérieur du Burundi et le parti vous accuse de mauvaise gestion de cette formation politique. Que répondez-vous? Comment se pourrait-il que je gère mal le parti, en partie que moi-même? J'ai créé bien sûr avec les autres en 94, le 24 septembre 94. Et bien avant, je suis un des organisateurs, un des créateurs du parti Frodebout. Donc personne ne peut me reprocher que moi je gère mal le parti. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je suis de près des activités du parti, j'organise tout ça, j'organise le parti est toujours là. Et quand je ne suis pas disponible, nous avons le secrétaire général adjoint, le camarade Gracien, il dirige les réunions du comité exécutif. Le parti vous suspend à la tête de cette formation politique, vous rejetez cette suspension. Qu'est-ce qui va suivre? Le parti, quel est le parti? Un individu peut dire, même pour un simple militant de base, même le président ne peut pas le suspendre comme ça. Et puis un individu, je ne sais pas comment il a rêvé hier soir peut-être, c'est un rêve, il est en train de rêver. Léonard Nyangoma, qui était président du parti CNDD, en partie, vous l'avez entendu, qu'il a créé en septembre 1994, et il va se doter d'une branche armée. Mais en 1998, la formation politique a connu des scissions et a donné naissance au CNDD-FDD. Le CNDD signa le cessez-le-feu en 1998 et aux accords d'Arusha en 2000. Il est de nouveau agréé comme parti politique en janvier de 2005 et participe aux élections qui ont suivi. Actualité internationale. Sept personnes ont été tuées au Soudan alors qu'elles manifestaient ce lundi contre le coup d'état du général Al-Burhan. La répression meurtrière des protestations contre le pouvoir militaire ne faiblit pas depuis le mois d'octobre. Selon les médecins, les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur la foule. Les policiers ont suivi les contestataires dans les rues à coups de grenades lacrymogènes et de canons à eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les forces de l'ordre attaquent régulièrement les blessés et les médecins dans les hôpitaux. Et depuis le coup d'état militaire du 25 octobre, 71 personnes ont été tuées par la répression policière. Et en République démocratique du Congo, le nommé David Ndaye Nsabanga a été appréhendé à 60 km à l'ouest de Kananga, où il continuait à faire sa loi. Cité dans l'affaire du meurtre des experts de l'ONU comme ayant eu uniquement des contacts téléphoniques avec les auteurs de ce meurtre, sans plus, il avait été relaxé. Ce chef de la milice, Kamuina Nsapu, a finalement été reconnu coupable d'un triple meurtre et condamné à perpétuité par contumace. Ce dimanche, l'armée a mis fin à sa cabale. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres, nous parlons de la dépression, une maladie psychique caractérisée par un trouble mental. La psychologue clinicienne Constance Inabazezwa précise que de nombreux facteurs psychologiques, biologiques et sociaux favorisent l'apparition de cette maladie. Elle ajoute que la dépression est caractérisée par différents symptômes comme la tristesse ou l'humeur fluctuante et le manque d'énergie ou la fatigue. Ornella Mucho. La dépression est un trouble mental. Selon Constance Inabazezwa, psychologue clinicienne, les causes sont variées car c'est le résultat d'un mélange de beaucoup de facteurs comme le facteur génétique, les facteurs professionnels ou sociaux. Les symptômes sont caractérisés par le changement d'humeur ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité. D'abord, il y a des symptômes d'humeur où l'individu se culpabilise tout le temps, sent des idées de désespoir, où il montre une perte d'intérêt ou de plaisir, où il manifeste une tristesse, anxiété, manque d'énergie. Il y a aussi des symptômes comportementaux où on remarque un isolement, où souvent il y a des pleurs excessifs, sans raison, sans commentaire. Des symptômes aussi qui peuvent attaquer son sommeil. Un déprimé peut avoir un réveil précoce, peut avoir un sommeil qui est agité, peut manquer le sommeil, ce qu'on appelle l'insomnie, ou peut développer une somnolence excessive. Un sentiment de désespoir face à l'avenir est l'autre symptôme observé chez une personne dépressive, selon toujours Constance Inabazezwa. Il y a aussi des symptômes qui peuvent attaquer son corps entier, à savoir la fatigue, un déprimé peut manifester une faim qui est excessive ou une perte d'appétit, ça peut arriver. Il y a aussi des symptômes cognitifs, comme lenteur dans certaines activités, où il peut même développer des idées suicidaires, manque de concentration. C'est quelqu'un chez qui où on ne peut même pas demander quoi faire. Il reste tout le temps au lit. Un déprimé peut aussi manifester des symptômes allant sur le changement de son poids. Il peut perdre le poids comme il peut manifester une prise de poids. Il y a différentes formes de dépression qui ont chacune leur spécificité. Une dépression qui va dans le sens des dépressions qui sont moins graves, la dépression saisonnière. C'est une dépression qui se remarque chez des personnes qui vivent des perturbations saisonnières où quelqu'un peut se retrouver dans un état où il ne peut pas accepter, donc gérer le changement climatique. Des dépressions professionnelles, ça peut arriver qu'on connaît une dépression suite à un stress qui est dû au travail. Soit tu peux manquer le travail, soit on peut te harceler donc pendant que tu exerces ton travail. Et le troisième grand groupe, c'est la dépression qui est sévère. D'un côté, la personne peut manifester son état de dépression et de l'autre côté, il peut manifester l'état de manie. Il peut manifester aussi un complexe d'infériorité avec des pensées aussi suicidaires. Dans notre prochaine chronique santé, ce sera sous le traitement et le mode de prévention contre la dépression. Merci Ornella Mucho, le rendez-vous est pris. Ainsi sera fermé ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, nous, Imana, passez un très bon après-midi.